Je suis avec le duo de black metal Berlial, donc avec Jérémy et Cédric, qui viennent de nous sortir un nouvel album. Salut les gars et merci d'avoir accepté cette interview. Salut Nico, bah merci de nous accueillir. Ouais, merci à toi. Je vais commencer par une question un peu simple, mais qu'il faut poser, c'est comment vous en êtes venu à créer votre groupe? Bah écoute, j'y vais si ça te va, Sadak. Puis tu Bon, m'appelles. vas-y, je t'en prie. À la base, en fait, pendant le premier confinement, donc pendant la pandémie en 2020, je me suis mis à faire un peu de basse parce que, bah, comme beaucoup, j'avais du temps. Et puis, ce chemin faisant, j'avais 4-5 débauches de morceaux. Et là, j'ai sollicité Tramguys, donc Pierre, notre premier guitariste. Et on a profité on a passé quelques jours, puisque tu pouvais pas trop voyager en Bretagne, pour sortir 5-6 titres. Et en fait, il s'avère qu'avec Cédric, on a fait de la musique ensemble il y a plus de 20 ans maintenant. On avait un groupe où on répétait toutes les semaines, un groupe de lycée, quoi. On faisait des concerts dans notre région. Et naturellement, je sais pas, à ce moment-là, il n'y avait pas de projet actif. Et du coup, j'ai proposé de bosser avec nous un peu. Bon, sauf qu'on avait une personne en Alsace, en Île-de-France, l'autre en Bretagne, comme on disait. Bon, c'était pas hyper pratique. Donc ça n'a pas duré bien longtemps. Et en fait, on s'est très vite reconcentré sur Cédric et moi, au final. Et on a profité des couvre-feu, confinement, pour un moment. J'ai passé une semaine chez lui. Et on a maquetté 9 titres. Et c'est comme ça qu'on est parti sur le premier album qu'on a enregistré fin 2021 et qu'on a sorti assez rapidement en CD sur un distro assez underground en mai 2022. Et en fait, quelques mois après, je dis mois, ouais, même semaine, dès l'été 2022, on a rebossé des morceaux qui sont sur l'album qu'on sort là, quoi. Ok. Du coup, tu parles de musique, on va continuer à parler de musique. Donc, vous avez sorti ce deuxième album donc vendredi qui s'appelle Nourishing the Disaster to Come. Donc, 6 titres qui sont quand même dans la veine black metal, mais qui sont aussi très riches de nombreuses influences. Il y a pas mal d'électro, il y a du post, j'ai vu aussi du shoegaze, mais enfin, au global, on peut dire que c'est du black expérimental. Je pense que ça vous ira comme terme. Ouais, c'est OK. Vraiment, vous mélangez plein de choses. Comment vous êtes venu à faire tous ces mélanges et à faire en sorte que ça fonctionne comme ça fonctionne, parce que c'est pas déconnant à aucun moment, quoi, quand on l'écoute. Je pense que le compositeur principal sera mieux en mesure de répondre. Bon, en fait, c'est très simple. Jérémy adore le black metal depuis de nombreuses années et il m'y a emmené. Moi, j'y suis venu un petit peu sur le tard. Lorsqu'on a décidé de créer Berlial, on a fait un espèce de cahier des charges. On va rester dans le black, mais j'ai la liberté de pouvoir chercher un petit peu partout. Moi, c'est justement ce que j'aime, c'est de pouvoir ouvrir des portes, de surprendre un petit peu, ouais, peut-être déranger même. Je trouve ça assez fun de mélanger un petit peu tout ça et d'essayer d'en faire quelque chose de cohérent quand même. Alors, moi, le côté dérangé m'a pas forcément. J'ai pas eu de gêne, tu vois, au niveau de la partie musique, mais par contre, à certains moments sur les textes, je me suis dit, c'est bizarre, enfin, qu'est-ce que ça vient faire là, tu vois, ces parties-là. Et notamment, je pense à. Vous avez intégré pas mal de parties un peu parlées, clamées. Donc qui fonctionne pour moi plutôt très bien. Après, moi, ça m'a immédiatement fait penser à notre groupe qui est Acode, que vous connaissez peut-être, Bien sûr, qui, en, Marseille, ouais. qui, ouais, qui en ce moment fonctionne très très bien avec ça. Et je me suis dit, ça marche bien. Après, notamment sur certains de vos titres, j'avais un peu de mal à comprendre comment vous voyez. Votre utilisation de ces voix clamées. Tu vois, c'est plus sur ça, moi, que j'ai été un peu perdu. Mais si vous voulez parler un peu de vos textes, de comment vous avez intégré tout ça, moi, ça m'intéresserait pas mal. Ouais, avec plaisir. Voilà, je vais me permettre de répondre du coup, puisque c'est moi qui prends en charge cette partie. En fait, avant qu'on fonde Berlial, moi j'ai publié 3 bouquins, un recueil de poésie en 2017 et 2 recueils de nouvelles en 2020 et 2022. Donc du coup, à la base, même si on faisait de la zik ensemble au lycée, moi j'ai toujours écrit à côté. D'ailleurs, j'ai fait une partie de mes études avec l'ancien ancien guitariste Tramgeist, et du coup, on faisait de la philo, des lettres. Donc, tu vois, on était un peu dans ce délire-là dès le départ. Et du coup, si tu veux, les passages scandés, c'est souvent des poèmes justement de mon premier recueil, Violence des petits riens, qu'on a repris et que je viens D'accord. déclamer. Et en fait, si tu ce qu'on appelle le spoken words, c'est quand même quelque chose qu'on peut retrouver de manière assez commune dans le black historiquement. Tu prends, si je prends vraiment des pères fondateurs, Forbidden Sight, qui est un groupe incroyable, ils ont beaucoup utilisé ce registre assez théâtral. Même si tu prends la Norvège, chez Arcturus par exemple, il y a un usage des voix parlées, théâtrales. Donc voilà, c'est venu de là. Et après, Cédric, tu disais effectivement, moi je suis vraiment black, c'est ce que j'écoute 80% du temps, mais ça n'a pas été toujours le cas. Et on écoute des trucs assez différents. Moi j'ai pas mal écouté de rap, les fondamentaux, hein, les NWA, Wu-Tang, etc. Donc le fait même de mettre de la rythmique dans la manière dont tu viens chanter, je trouve que ça, enfin moi je ne suis pas vraiment chanteur, je suis plutôt un vocaliste, ça peut amener une dynamique, une richesse. Je ne suis pas du tout en train, on n'est pas comme certains projets qui existent où ils mélangent de la trap avec du black, mais je veux dire, voilà, le côté scandé, tu le retrouves et dans les, dont j'ai cité Forbidden Sight, mais Anorexia Nervosa, Glaciation, enfin Rosheimer de manière générale, enfin, tu vois, dans le black, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Et dans Seth aussi, tu vois, Seth par exemple, les paroles, c'est des alexandrins. Bah, Ouais. typiquement, nous, c'est le cas aussi, puisque certains poèmes, sur certains textes, c'est des alexandrins. Donc, tu as déjà une rythmique qui a pu être pensée, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est vu là, et puis on a aussi rajouté des extraits de films, des samples, pour encore aller élargir le Ah, spectre, si tu veux. il y a bien des extraits de films parce qu'à certains moments, la sensation que j'ai eue, c'est que ça venait forcément d'un film, de la façon dont c'était fait. Après, c'était les voix étaient répétées, un peu modifiées, mais pour moi, il y avait vraiment ce côté film. Par contre, moi, j'étais incapable d'identifier les films pour le coup. Bah alors, attends, on va te donner les refs. Du coup, sur We Deserve to Fall Again, c'est le dernier film de Pasolini, Salò, Les 120 jours de Sodome. Donc, en fait, une adaptation du livre de Sade, mais dans la République éphémère fasciste de Salò, où Mussolini s'était enfui. Et donc, tu as plusieurs extraits du film au travers de cette chanson. Et l'autre extrait qui a également toujours sur We Deserve to Fall Again, c'est un discours radiophonique d'Antonin Artaud, donc, qui était célèbre comédien, enfin, écrivain de théâtre, poète. Enfin, il a fait plein de choses. Bon, il a été surtout beaucoup. Il s'est pris beaucoup d'électrochocs à Sainte-Anne. Hein. Mais du coup, c'est justement après pas mal d'électrochocs et d'asile qu'il a fait en 1946 pour en finir avec le jugement de Dieu, autrement appelé le discours de la fécalité. Pour l'extrait, du coup, voilà. Et donc, Bah, c'est. tu vois, pour le coup, j'ai pas forcément compris ce que venait faire cette histoire là-dedans, tu vois. Surtout que pour moi, c'était pas forcément lié à votre thématique globale dont on va parler juste après. Bah, si, en fait, si tu veux, alors bon, Artaud, c'est assez abscon, surtout à sa période de sa vie, au vu de l'état délabrement qui était son cerveau, mais le texte, donc les parties en anglais parlent de. C'était pour le coup une chanson que j'avais écrite pour un projet de Cédric, mais qui n'a pas abouti, donc du coup, on a repris le texte. Ça parle grosso modo de l'écologie, quoi, et du désastre des submersions marines, etc. Et donc, du coup, l'extrait de Artaud, ce qu'il essaie de dire, c'est que sans déflorer, du coup, pour les auditeurs qui n'ont pas entendu le morceau, mais. Il fait référence effectivement à un résidu physiologique du corps humain qui n'est pas celui qu'on imagine en premier, pour justement dire en fait qu'il n'y a pas de substance moelle dans l'humanité, qui c'est creux, que l'humain est creux. Alors c'est un fou qui s'est pris des électrochocs qui dit ça, qui du coup a un coffre de résonance permanent dans sa tête. Si tu regardes ce qu'il faisait avant d'être fou, en tant qu'acteur, il a été par exemple dans un Jeanne d'Arc qui dure 5 ou 6 heures, en noir et blanc muet à l'époque, mais il est incroyable, quoi. Il avait un physique d'ailleurs magnifique. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est le désœuvrement. Ben, l'écologie, si tu veux, ça va nous amener à ce niveau de désœuvrement. Donc, il y avait, au départ, c'est venu un peu d'un kiff de tenter un truc, mais quelque part, il y avait du sens. Et après, les passages en français en spoken word, c'est des textes, pareil, des poèmes, où effectivement, il y a plutôt une allégorie assez sexuelle et autre. Mais en fait, justement, tu as tout un mouvement. De penser, alors que j'approuve ou que j'approuve pas, je suis pas en train d'exprimer une idée, sinon on va se foutre de moi un peu en mode woke, mais ce qu'on appelle l'écoféminisme, parce qu'il y aurait une préemption, etc. Donc je trouvais que l'image, j'essaie pas d'y mettre forcément une orientation politique, mais je trouvais que conceptuellement, esthétiquement, et puis bon, même au niveau du fond, je trouvais que c'était assez intéressant, quoi. Et dans un esprit quand même un peu trash, parce qu'on fait du black, quoi. Ok, bah, donc du coup on va enchaîner sur la partie plus thématique, pure et dure. Donc là en fait vous parlez beaucoup des désastres écologiques qui sont en train d'arriver, un peu de tout ce qui est guerre et même de colonisation de l'espace, en fait qui sont finalement que des catastrophes liées à l'être humain. Donc, est-ce que c'est vraiment dans un but, on va dire, comme beaucoup, d'alerter, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une vision un peu plus sombre et de dire juste, c'est déjà trop tard, on a déjà tout détruit et en fait, il nous reste plus qu'à contempler la déchéance humaine, quoi. C'est quoi le message profond pour vous? C'est plutôt l'option numéro 2, ouais. C'est Ouais. complètement foutu, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et en fait, d'ailleurs, c'est les deux niveaux de lecture que tu as à la fois dans les textes et dans l'artwork. Il y a un niveau de lecture, si tu veux, collectif, donc effectivement à l'échelle de l'humanité, où il y a une espèce de volonté permanente de courir au désastre. Enfin, tu vois, en fait, tous les ans, il y a les COP, etc., où on t'explique en fait que la moitié de l'année, tu as utilisé les ressources que peut produire une planète. Et en fait, dans le système de pensée capitaliste, libéral, financier, on va t'expliquer que non, mais en fait, tout ça, on peut le contourner. Donc, notamment, peut-être en disant, on consomme pas moins, mais on s'étend plus, donc la colonisation de l'espace. Mais en fait, si tu regardes, c'est un comportement de drogué, quoi. En fait, quand tu écoutes le président du MEDEF, tu as un kraken en face de toi qui est en manque, ça fait 30 minutes qu'il ne s'est pas pris sa douille, tu vois. Je me souviens, pendant le premier confinement, on vient quand même nous expliquer qu'on s'est pris une pandémie parce que dans la biodiversité, il y a des espèces en moins. Donc, du coup, il y a moins d'espèces qui font tampon et on se prend des maladies qu'on ne devrait pas se prendre. Ça te fout l'économie à terre. Et le mec, il me dit, bon, par contre, OK, là, c'est bien mignon, mais après, on repart comme en 14, tu vois. C'est le mec qui dit, bon, écoute, frère, moi, demain, j'arrête de boire, mais ce soir, je me mets une race. Bah, tu vois, et ça m'amène au deuxième niveau de lecture qui, malheureusement, assez plus personnel, où effectivement, j'ai été alcoolique pendant pas mal d'années. Et en fait, c'est pareil, tu vois, tu fonces dans le mur, quoi, tu vois. Et je trouve que des fois, quand tu écoutes ta radio, et c'était le cas quand j'étais encore alcoolisé, et c'est le cas maintenant que je suis sobre depuis 2 ans, des fois, je me dis, putain, mais les mecs, c'est des fracos, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois, ça peut pas passer, quoi. Et les mecs te disent, si, si, non, mais il n'y a pas de problème, tu vois. Donc voilà, pour résumer, en fait, non, je crois mais on n'a pas envie de s'en sortir, en fait. Donc nous, on le constate et on fait du black metal. Ça marche. Écoute, j'en viens à ma toute dernière question, mais que vous m'avez inspiré là juste avant qu'on démarre, parce que en fait, vous ne faites jamais de live, parce que votre projet n'a pas ce but-là, ce qui est donc pas forcément hyper rare dans le black, mais quand même assez globalement rare pour des groupes, parce que beaucoup de groupes aiment aller en live. Est-ce que vous pouvez expliquer le pourquoi, sans forcément rentrer sur votre vie personnelle, mais votre vision et votre amour de la composition, quoi. Vas-y, 5. Bah déjà, géographiquement, on est loin l'un de l'autre, donc un petit peu compliqué pour s'organiser au niveau de la logistique pour les lives. Et ensuite, c'est vrai qu'on a nourri une envie de créer, de composer, d'organiser quelque chose, un projet commun. Et ouais, c'était vraiment cette soif de créer qui nous a poussé à créer ce projet-là. Et pour l'instant, je pense qu'on a encore très envie de composer, continuer un petit peu là-dedans. Mais je n'exclus pas que d'ici quelques années, on se repose la question de manière plus sérieuse. Mais là, on a vraiment, vraiment envie d'exprimer des choses. On a des choses à sortir. Et on y prend vraiment beaucoup de plaisir. En fait, si tu veux, à court et moyen terme, on a déjà commencé à bosser sur le troisième album. On a pas mal de matière. On sait déjà l'orientation qu'on veut faire, qui sera assez différente de ce qu'on a pu proposer là, que ce soit l'articulation des chansons entre elles ou même les styles, les différents styles qu'on va faire. Ça restera du black, hein, mais quand même beaucoup plus mixé. Et derrière ça, on a déjà des idées. Est-ce qu'on continue à faire des choses juste nous deux? Est-ce qu'on fait des collaborations, que ce soit sous forme de split ou vraiment des collabs on écrit avec d'autres musiciens, étant donné qu'on n'est que deux, on a un peu de place Oui, pour bien sûr. co-créer. Donc c'est plutôt ça qui nous intéresserait en fait, et ça demande aussi du temps et de l'organisation. Et après, à ce moment-là, si on a quelque part achevé une première partie de notre œuvre, oui, notre œuvre, assumons, Oui, pas à ce jusqu'au moment-là, bout. effectivement, on sera peut-être. Alors, l'envie y serait déjà, mais on aura peut-être plus la capacité de s'organiser pour prioriser effectivement les répétitions et toute la logistique d'un live, plutôt, et mettre de côté un peu la composition. On ne pourra pas, par contre, forcément devoir sacrifier l'un pour l'autre, quoi. Ouais, ok, ça marche. Bah écoutez les gars, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. J'invite tout le monde à aller écouter ce que vous venez de sortir. C'est intéressant, il y a plein de choses. On peut vraiment. Enfin, faut aller écouter, c'est dur à décrire, je trouve. C'est Voilà, donc moi je dirais allez écouter et si vous avez un dernier petit truc à dire, la parole est à vous. Bah écoute, merci beaucoup à toi et on va reprendre tes propres mots. Allez, écoutez. Ouais, merci beaucoup. Merci les gars, salut. Salut, bonne Allez, soirée. ciao. Ciao.